en pleine gueule. Un peu de morale sur l'instrumental, ma haine sur le disque comme un nom gravé sur du marbre. J'en prends les gars d'ici, les gars déçus par ce pays. Les gars qui font du cash par ceux qui sont vous s'esquivent. Dans cette vie y'a pas d'issue, y'a pas de sortie à part les pieds devant la mort te guette à chaque instant. Tente le diable pour 3 billets au pire pour que dalle. C'est la prison, la pierre tombale, pas de morale, rien de phénoménal. Sûr et certain que mon sang restera pas gravé dans les annales. Et alors, de toute façon c'est pas le rap qui me fait manger l'argent, on sait où le trouver. Protège ton dos, ton portefeuille en priorité. Chacun de nos actes est prémédité. On fait le deuil de nos disparus sur des sangs lourds, une nécessité. Effrayant comme un uniforme en état d'ébriété. La loi pour lui, le père est à charger. Pour nous c'est ça, c'est l'insécurité. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends en pleine gueule. Le meilleur est pour le pognon jusqu'à la tombe ou la prison. Par les lois de la rue on scelle les unions. Les associations de malfrats s'organisent sur le béton, le bitume pour champ d'action. Et pourtant tellement de plans foireux. Car les incompétents dans ce milieu sont légion. Tant que les balances et les balafres c'est légitime. Pour une trahison un coup de lame. Rien de plus normal on appelle ça rendre la monnaie de la pièce. En plus depuis le passage de l'euro y'a plus de monnaie mais on consomme moins. C'est le paradoxe qui nous intoxique et nous pousse à la limite. Trop de types fracassent les prennes les yeux pour chercher le prix. C'est garanti y'aura de la casse car les petits grandissent vite. Désertent les bancs de l'école pour ceux de la garde-ave. Plein de shit et d'alcool dans les rues c'est scandale. Tous veulent le pactole et souvent ça finit mal. Casse la vitre, froisse la tôle et le sang coulera sur la dalle. Casse la vitre, froisse la tôle, le sang coulera sur la dalle. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Pour tes oreilles en grand, je te sers du gras en gros. Un truc qui te bousille comme les romans, sans te fait mal à la tête. Moi je vis avec, ça sort de mon cerveau. Un deck, on a le sang chaud. Tu pourrais finir froid comme les glaçons dans le sky. Ou ce gars dans le cercueil. Ultimatum sur Akai. Comme le FLN, c'est sort du maquis. J'ai pas le cul dans un fauteuil sur le béton, je resterai pas assis. Fais pas de bise avec les grands gamins si tu veux pas d'ennuis. Si tu veux pas d'ennemis, tu mises pas dans nos vies. Tu veux manger alors t'inquiète pas, tu vas être servi. Tu veux bouffer notre part entre fées, les affranchis. Franchis pas la ligne, tu viens juste d'avoir ton permis. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Mon rap, ma vie, mes gars, ma rage. Je charge rempli de balles, prends sang plein de gueule. Prends sang plein de gueule.